Ashrat al-Sa'a, les signes de l'heure. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps, qui existent et qu'on est en train de vivre. Et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves. فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, la semaine dernière, on avait parlé de ce signe qui fait partie des signes de la fin des temps, dont le prophète عليه الصلاة والسلام en a parlé dans le hadith où il dit لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج وقيل ما الهرج يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام القتل القتل. Le prophète عليه الصلاة والسلام a parlé du signe ici qu'on a cité la semaine dernière. Et le prophète عليه الصلاة والسلام il en a parlé quand il a cité dans le hadith ici que la fin des temps ne viendra pas avant que ne vienne al-harj. On avait dit avec une traduction approximative, c'est l'anarchie si on veut. Et ils ont interrogé le prophète عليه الصلاة والسلام dans les détails. Ils ont dit mais al-harj, c'est quoi al-harj? Et le prophète a bien décrit la chose en disant al-qatl al-qatl, le meurtre, le meurtre. Et on a vu des versions où le prophète عليه الصلاة والسلام a rappelé que ce qui fera partie des signes de la fin des temps, c'est l'augmentation de morts. Et il a rappelé aussi عليه الصلاة والسلام, comme on l'a cité la semaine dernière, que les meurtres ne viendront pas, ou alors la grande partie des gens qui vont mourir ne sera pas due à cause des polythéistes. D'accord? C'est-à-dire ça, cette fitna ne va pas venir de l'extérieur, mais ici, cette fitna aura lieu entre les musulmans. Et on avait terminé ici en disant que ce que nous voyons à travers la télé, d'accord, ça fait partie des signes de la fin des temps. Quand tu vois des morts parmi les musulmans et de plus en plus de morts parmi les musulmans, que ça soit comme on avait cité la semaine dernière, au jour d'aujourd'hui ce qu'on voit en Syrie ou en Palestine ou autre, on avait dit que ça fait partie des signes de la fin des temps, et on avait dit que c'était un khayr, c'était une bouchra, une bonne nouvelle pour les musulmans. Et comment cela? Alors qu'on voit des femmes qui décèdent, on voit des femmes qui sont tuées, on voit des enfants qui sont tués, on voit des innocents qui sont tués, et avec cela, on peut dire que c'est un khayr pour la communauté, an-na'am. Nous disons na'am. Al-dalil ala dhalik ma rawahu al-imam al-hakim bi sanadin sahih. Qala alayhi salatu wa salam inna ummati ummatun marhouma. Il dit ma communauté, c'est une communauté à laquelle la miséricorde est accordée. À laquelle la miséricorde est accordée. Suis bien. Il dit alayhi salatu wa salam ليس عليها في الآخرة في هذه الأمة أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام ليس عليها في الآخرة حساب ولا عذاب. النغاة, c'est-à-dire cette communauté, la communauté du prophète عليه الصلاة والسلام dans le delà, ni jugement ni châtiment, ni jugement ni châtiment. Continue. Ensuite il dit إنما عذابها في القتل والزلازل والفتن. Il dit alayhi salatu wassalam, mais son châtiment, donc le châtiment de cette communauté, se trouve plutôt dans le meurtre, dans les tremblements de terre et dans les troubles. Dans le meurtre, dans les tremblements de terre et dans les troubles. Naam, vous savez très bien que le croyant, quand il est éprouvé par une maladie, un souci, une tristesse, ici, par la cause de cette maladie, par la cause de ce souci, ou de ces soucis, ou de ces tristesses, Allah subhanahu wa ta'ala lui expie des péchés. Et plus la personne est éprouvée, et plus Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. Et comme il est relaté dans un hadith authentique, il y aura des gens qui seront éprouvés jusqu'à ce qu'ils marchent sur la surface de la terre sans aucun péché. Et ça existe. La preuve, le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Quand il dit, il y a des gens qui seront éprouvés, et ils auront tellement été éprouvés, il ne leur restera plus aucun péché, et ici, ils marcheront sur la terre sans avoir aucun péché. Et moins tu as de péché quand tu quittes cette vie d'ici-bas, cette demeure d'épreuve, cette demeure éphémère, et plus ici, ou moins tu risquerais, d'accord, moins tu risques d'être châtié. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, Leur âme, au moment où Malak al-Maut va venir prendre leur âme va sortir d'une façon très facile. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, certains, leur âme va sortir comme la goutte d'eau qui tombe ou qui sort de son outre. C'est-à-dire de façon très aisée. Pourquoi? Parce que ici, il n'a plus de péché. Tellement qu'il a été éprouvé, il n'a plus de péché. Donc il ne mérite plus d'être châtié. Il ne mérite plus de subir ici des châtiments ou des tourments ou des supplices. D'être torturé ou d'être éprouvé. Khlas, il n'a plus de péché. Donc khlas, maintenant ça va être que la récompense, que la satisfaction, que le repos, que le raha, que la récompense de la part d'Allah Azza wa Jal. Dans sa tombe, ça sera un jardin du paradis. Et ici, il attendra le jour de la résurrection. Et au jour de la résurrection, il ne subira aucun châtiment et il rentrera au paradis de façon facile et aisée bi'idnillah azza wa jal. C'est pour ça que l'épreuve, c'est une rahma de la part d'Allah azza wa jal. C'est une miséricorde. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, cette communauté, c'est une communauté à qui il a été accordé miséricorde. Elle sera dans l'au-delà, ni châtiée, et elle n'aura ni jugement. Mais son châtiment est dans quoi? Dans az-zalazil, les tremblements de terre. Et aussi dans quoi? Dans le fitan, dans les troubles. Et aussi dans quoi? Dans al-qatl. Ah, on en a parlé du meurtre. Dans le qatl. Al-ulama, ils ont parlé de ce hadith-là. Certains gens de science, ils ont dit, comment on va expliquer ce hadith alors que on sait, d'après les récits prophétiques authentiques, que toute personne qui a commis un grand péché, et il n'a pas été pardonné, ou il ne s'est pas repenti, bien qu'il reste musulman, il mérite. Il mérite le châtiment. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa salam a spécifié. Il dit, il y a 70,000. Il y a 70,000. Ah, il a spécifié. Qu'il y a 70,000, il a dit qu'il y a 70,000 personnes de sa communauté qui rentreront au paradis, bila quoi? Bila hisabin wa la adab. Sans jugement et sans compte. Donc il a dit à 70,000. Et ici, il a décrit, c'est qui ces personnes-là? Donc ceux qui ne demandent pas la ruqya, ceux qui n'utilisent pas al-kay, ceux qui s'en remettent à Allah Azza wa Jal, etc. Donc ici, le prophète, il a spécifié. Donc ils disent, comment ça se fait que là, dans des hadiths, le prophète, alayhi salatu wa salam, a bien spécifié, il a restreint le nombre, donc de personnes qui rentreront au paradis sans jugement et sans châtiment, mais par contre, dans ce hadith, le prophète, il dit tout, ah, il parle de communauté, il parle de la communauté. Les savants, ils ont dit, c'est que ils seront pas châtiés et ils ne seront, ou alors ils n'auront ni châtiment et ni jugement shadid, dur. Il sera allégé. Il y aura ce qu'on appelle le tarfif. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu des épreuves ici-bas, comme az-zalazil wal-fitan wal-qatl. Donc ici, ils auront un châtiment et ils auront un jugement. D'après les autres textes, mais en alliant tous les textes, ici ils disent, ils auront un châtiment, c'est-à-dire la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, certains d'entre eux, et ils auront un jugement, la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, certains d'entre eux, ils seront jugés, voilà qu'il leur jugement et leur châtiment sera allégé par rapport aux autres communautés, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et il dit ça c'est spécifique à la communauté du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. خاص لهذه الأمة الميمونة المباركة التي زكاها جل وعلا بقوله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. Ça c'est spécifique à cette communauté élue choisie par Allah Azza wa Jal qui a reçu l'éloge d'Allah dans le Saint-Coran quand il dit سبحانه وتعالى vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens. Et d'autres gens de science ont dit le prophète عليه الصلاة والسلام a voulu parler de الصحابة radiyallahu anhum wa ardahum, c'est-à-dire les compagnons. D'accord? Ils parlent de la communauté, mais ils disent, les sahaba font partie de la communauté, mais ils parlaient ici de la communauté, c'est-à-dire des compagnons. Walakin qawlu rajih wa dhahir wallahu ta'ala a'lamu ahkam, c'est-à-dire, bila adabin shadid, wa bila hisabin shadid. D'accord? C'est qu'il y aura un jugement et un châtiment, sauf pour certaines personnes de la communauté du prophète alayhi salatu wa salam, des élus, walakin, ce châtiment et ce jugement sera allégé de façon générale pour la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah qu'on fait partie de cette communauté. On a parlé de l'augmentation, la propagation des meurtres. Et on a dit ça fait partie des signes de la fin des temps. Min ashrati sa'a ما رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة et le prophète عليه الصلاة والسلام a dit حتى يتقارب الزمان حتى يتقارب الزمان l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que le temps se rétrécisse. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Et il n'y a aucun doute, la shakka fi dhalik, qu'il n'y a pas de doute sur cela, qu'on vit ce signe de la fin des temps, qui fait partie des signes de la fin des temps, et on est toujours dans les petits signes de la fin des temps. Ensuite va venir les grands signes, la venue de Mahdi, la venue de Isa, la venue de Dabba la bête, etc. Voilà qu'il parmi les signes de la fin des temps, il y a Kaba qala alayhi salatu wasalam, hatta yataqarab al-zaman, jusqu'à ce que se rétrécisse le temps. Dans un autre hadith, le prophète a donné plus de détails. Regardez, le prophète, nous sommes souvent dans des sujets, il parle de façon générale, mais dans d'autres textes, ah, il spécifie plus, d'accord? Il spécifie plus le sujet comme il se doit, walillahi alhamd, alayhi salatu wassalam. Dans le deuxième texte, rapporté par l'imam Ahmed wa ghayru, wa sahah al-hadith, shaykhuna al-albani, rahimahullah ta'ala, fi sahih al-jami' min hadith abi hurayrata radiyallahu anhu wa arda, qala alayhi salatu wassalam. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. Toujours la même chose, le prophète il dit dans le deuxième hadith, ne viendra pas la fin des temps jusqu'à ce que le temps se rétrécisse. Ensuite, il précise de quelle sorte ou comment va se rétrécir, à quel point va se rétrécir le temps. Il dit عليه الصلاة والسلام فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة أي كالأسبوع كما قال العلماء وتكون الجمعة أي الأسبوع كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السحفة. Le prophète عليه الصلاة والسلام a précisé comment va passer ici ce temps, comment va se rétrécir ce temps. Et il dit عليه الصلاة والسلام l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que le temps se rétrécisse de sorte que l'année devienne comme un mois, que l'année passe comme un mois, que le mois comme un vendredi. Les savants disent, c'est-à-dire comme une semaine. Comme un vendredi, comme une semaine. Le mois va passer comme une semaine. Et le vendredi, c'est-à-dire la semaine passera comme un jour. Et le jour passera comme une heure. Sa'a, comme une heure. Et l'heure, écoutez ce qu'il dit le prophète, comme le temps qu'il faut à une feuille de palmier de brûler. Tu prends une feuille de palmier, tu la brûles. Regardez ici l'image qu'a donné le prophète alayhi salatu wassalam pour nous rappeler que l'heure va passer vraiment comme quelques coups, on peut dire. Comme quelques secondes. Subhanallah. Subhanallah. Regardez comment le prophète il a décrit ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'on vit au jour d'aujourd'hui? Il y a plusieurs aqwals des gens de science. Certains gens de science ont dit que ces ahadith, il faut les prendre, yani, de façon concrète. Concrète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mois, que l'année va passer comme un mois. L'année sera un mois. D'accord? Le mois sera une semaine. La semaine sera un jour. La journée sera une heure. L'heure sera quelques secondes. Mais ils disent c'est de façon concrète. Et ils disent, ceux qui prennent cet avis-là, voilà qu'il qu'au l'orage, on va le citer, bi'idnillah azza wa jal, c'est la parole d'Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Certains savants ont dit, ici, que c'est de façon concrète, et si c'est de façon concrète, est-ce qu'on l'a vécu? Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas vécu encore. Et ils disent certains que ça va venir à l'époque de Isa et de Mahdi. Donc ils disent, si c'est de façon concrète, l'année ça sera pas une année, ça sera un mois, mais ça sera véritablement un mois. Le mois ça sera véritablement une semaine, la semaine un jour quelques secondes. Donc ils disent, on l'a pas encore vécu. Certes, d'autres savants qui ont pris cet avis-là, ils ont dit, ça va venir, mais comment et quand? Allahu a'lam. Mais ça va venir. ولكن قول الراجح من أهل العلم, la parole prépondérante des gens de science, c'est que c'est apprendre de façon abstraite. D'accord? De façon abstraite. C'est-à-dire, et c'est ce qu'a dit le prophète عليه الصلاة والسلام, وهذا هو الظاهر من هذا الحديث أو من هذه الأحاديث. C'est ce qui est apparent de, ici, de ces hadiths. Pourquoi? Le prophète عليه الصلاة والسلام, regardez qu'est-ce qu'il dit? لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون الساعة كالشهر comme. Donc comme, il montre la ressemblance. Et on voit ici, et on comprend de ces hadiths que c'est quelque chose d'abstrait. D'accord? Ça va passer comme. Donc ici, Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, wa ghayruhu min ahli al-ilm, ils disent que c'est apprendre de façon abstraite. C'est-à-dire, que tellement que l'année va passer vite, on va la sentir comme. comme un mois. Le mois, il va tellement passer vite que le mois, on va avoir l'impression que c'est une semaine. Tu vas faire des choses, on va te dire, un mois est passé, tu vas dire, subhanallah, on dirait il y a une semaine qui est passée. Comme, c'est ici, de façon abstraite à prendre. Pas concrète, abstraite. Et ils disent tellement que la semaine va passer vite, tu vas dire, subhanallah, on dirait qu'il y a un jour que j'ai fait ça. C'est vrai ou pas? Jumu'ah arrive, on dirait que c'était hier Jumu'ah. Est-ce qu'on le vit ça ou pas? Et la journée va tellement passer vite, tu vas dire, subhanallah, j'ai rien eu le temps de faire au jour d'aujourd'hui. À peine c'est l'adhan de dhuhr, khlas, l'isha arrive. Ou alors, quelquefois, on a tendance à dire, et tout le monde va se retrouver. Et ça, c'est la preuve que c'est un hadith à prendre de façon abstraite. Et comme l'a dit Ibn Hajar, wa ghayruhu min ahli al-'ilm, combien de fois on a été amené à dire, tellement que les journées passent vite, subhanallah, quand dhuhr arrive, khlas, tu vois plus rien de la journée, l'isha est là, ça y est, rendez-vous le lendemain. Ou alors certains disent quand as-subh passe et je vois plus rien de la journée. Ou bien, c'est-à-dire, on rend la journée, on la diminue à quelques secondes. Ça y est, tu vois plus rien de la journée, tellement qu'elle passe vite. D'accord? Et l'heure, comme quelques secondes. Et ici, c'est la vie de Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala. Mais maintenant, nous, ce qui nous importe, ce n'est pas simplement de savoir, ici, qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wa salam. Mais il faut comprendre, ici, et prendre les leçons de ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wa salam. Est-ce qu'il y a une raison quant au fait que le temps va se rétrécir? Donc on a bien dit, et c'est ce qu'on vit au jour d'aujourd'hui. Ramadan à Ramadan, on dit subhanallah, on dirait que ça fait un mois le Ramadan est passé. Tout le monde le vit. Vendredi à vendredi, on dirait que c'était hier le Jumu'ah. Tout le monde le vit ça. Une semaine, un mois, un an, etc. On vit ce signe de la fin des temps. Mais quelle est la raison? Et c'est ce qui nous importe particulièrement. Est-ce que c'est Allah Azza wa Jal qui a décidé comme ça? Ou est-ce qu'il y a une raison bien spécifique? قول الراجح من أهل العلم, la parole prépondérante des gens de science, c'est quoi? Comme l'a dit Ibn Hajar Aydan, et comme l'ont dit d'autres gens de science, نَزْعُ الْبَرَكَةِ مِنَ الْوَقْتِ. La cause de cela, c'est que al-baraka a été enlevée du temps. La bénédiction a été enlevée du temps. Et vous savez très bien, quand il n'y a plus de bénédiction dans un bienfait, d'accord, qui est à la base un bienfait d'Allah Azza wa Jal, ici, ce bienfait, tu ne le ressentiras jamais comme s'il y avait al-baraka dessus. Là, à titre d'exemple, on a quoi comme exemple? Al-mal, l'argent. Combien de personnes sont dans le haram de façon illicite, que ce soit à travers, ils ont acquis l'argent en volant, ou bien à travers des intérêts usuraires, ou à travers de la vente d'alcool ou de drogue, etc. Ils ont de l'argent. Walakin, quand tu le regardes ou tu viens l'interroger, après 10 ans, choisis ce que tu veux. 5 ans, 7 ans, 3 ans, 20 ans, choisis. Tu peux choisir, là, pas de problème. Tu vas le voir et tu lui dis, qu'est-ce que tu as fait avec tout cet argent-là? Concrètement, il a fait quoi? Rien du tout. Soit ça lui a causé des problèmes, soit il a fait plein de choses avec, mais il ne peut même pas en profiter d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas montrer aux gens ici, ou alors il ne peut même pas se montrer, parce que sinon les autorités vont dire, ah, celui-là, il a beaucoup d'argent, il a construit, il a acheté, il a fait cela, donc il est obligé de se cacher. Donc il peut, regardez, subhanallah, Allah, il fait que quoi? Il ne peut même pas en profiter de ce bienfait. Pourquoi? Pas de baraka, pas de bénédiction. Donc en fin de compte, il en profite que des petites périodes et en se cachant. Et même quand il en profite, il a toujours la conscience tranquille. Elle n'est pas tranquille, sa conscience. Donc ici, il pourra jamais en profiter, ou profiter plutôt. Profiter ou en profiter? Tout le temps, je me trompe. Profiter là. Profitez-en, profitez, c'est profitez-en, on m'a dit. À chaque fois, je me trompe. À la kulli hal, il ne pourra pas profiter de ce bienfait comme il se doit. Donc ici, d'une manière ou d'une autre, il ne pourra pas, ici, en profiter ou profiter de ce bienfait comme la personne qui aura acquis ce bienfait de manière licite, halal. C'est pour ça que je donne souvent cet exemple d'une personne qui, quand on avait parlé avec lui, qui avait de l'argent, d'accord, illicite. Sans rentrer dans les détails, ça vient des intérêts usuraires ou de la vente d'alcool, ou même c'était de l'argent illicite. Et combien de gens ont de l'argent illicite qui pensent que c'est de l'argent licite? Parce qu'il y a des gens maintenant, malheureusement, une fois de plus je dis ça, à cause de l'ignorance, ils croient qu'à partir du moment où ils travaillent de façon licite, pour lui, son argent est halal. Et pour lui, avoir de l'argent haram, c'est à partir du moment où tu voles ou tu vends de la drogue. C'est tout. Mais il ne sait pas que al-riba, c'est parmi les argents les plus sales et les plus haram qu'il y a. Et c'est pour ça que le prophète a dit, et on avait vu ça, parmi les signes de la fin des temps, la personne ne se préoccupera plus de savoir si son argent, il l'a eu. C'est l'argent qu'il a entre les mains, il est halal ou il est haram? Peu importe, j'ai de l'argent, j'ai de l'argent. Et cette personne-là, je lui avais parlé. Et quand on lui avait dit, ici, il faut participer pour ceux qui veulent à la construction d'un mosquée ou autre, il s'est rendu compte qu'il avait rien de halal. Pourtant, il avait plein d'argent haram. D'accord? Mais il s'est rendu compte qu'il avait rien. Et même lui, il a dit, je viens de me rendre compte au jour d'aujourd'hui, vraiment, que j'ai pas un euro halal. Pourtant, il a plein d'argent. Mais il se rend compte et il a pris conscience de la différence entre de l'argent où il y a el baraka et de l'argent où il n'y a pas le baraka. L'argent où il n'y a pas le baraka, concrètement, tu n'as rien. Et en plus de cela, ça va ne t'apporter que soucis, tristesse, problèmes, amertume, fit dunya wa fit akhira. Ici-bas et dans le delà. Ça, c'est la différence entre le halal et le haram de façon concrète. Pareil, une personne qui va côtoyer des femmes de façon illicite et une personne qui va se marier dans le halal. Celui qui se marie dans le halal, comme est relaté dans le hadith authentique, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, inna Allah yastahi min al-haq. Ici, Allah n'a pas honte de mentionner, de dire la vérité. Ici, il a dit, à chaque fois que vous avez un rapport avec votre épouse, vous en êtes récompensé. Vous avez des hasanat. Les compagnons se disent, Rasulallah, en ayant des rapports avec nos épouses, on va avoir une récompense, on va être récompensé. Le prophète alayhi salatu wa sallam, le hadith dans le sens, il dit, bien sûr, si vous avez des rapports avec une femme qui n'est pas votre épouse, c'est-à-dire de façon illicite, est-ce que ici vous avez des péchés? Ils ont dit oui. Ils ont dit donc, le prophète alayhi salam a dit donc, si vous le faites avec votre épouse, vous avez des bonnes actions. Regardez la différence entre le halal et le haram. Alors que dans le haram, qu'est-ce qu'il y a? Non seulement tu as des mauvaises actions, en plus de cela, tu t'éloignes de l'islam, tu t'éloignes quelque part de l'islam, tu restes musulman, mais tu t'éloignes de l'islam. En plus de cela, tu mérites la colère d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal a parlé de toi dans le Coran Al-Karim. Et il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il rencontrera une punition, un péché. Et il dit, yudha'af lahu al-adhab yawm al-qiyama. Son châtiment sera doublé. Wa yakhlud fihi muhana. Et il demeurera éternellement couvert d'ignominie en enfer. Wal'iyadhu billah. Regardez la différence entre le halal et le haram. Pourquoi? Parce que le halal, il y a le baraka. Et le haram, il n'y a pas de baraka. D'accord? Mais ici, il y a des choses qui à la base sont halal. Il y a des choses à la base qui sont halal, comme une personne qui va travailler de façon licite. D'accord? Il va travailler de façon licite. Mais il y aura peu de baraka dans son argent. Son argent va partir vite. Il va dire, wallah, j'arrive jamais à finir le mois. J'arrive jamais à rien faire. J'arrive, ou alors, continue avec moi. Dans ses enfants, pas de baraka, pas de bénédiction. Ou bien, dans sa nourriture, il n'arrête pas de manger et tous les deux heures, il est obligé de faire les courses. J'exagère, mais pour vous donner une idée. C'est-à-dire, ça part vite, la nourriture chez lui. Ou bien, dans sa vie, il n'y a pas de baraka. Bien que, ah là, je parle d'une autre catégorie de personnes. À la base, il a eu cette chose, cette nourriture, ses enfants, cet argent, dans le halal. Mais il y a un manque de baraka. Et plus le bienfait que tu as entre les mains, que ce soit une épouse, que ce soit des enfants, que ce soit de la nourriture, que ce soit de l'argent, que ce soit une habitation, ici, plus il disparaît rapidement, ou alors tu n'arrives pas à l'exploiter comme il se doit, et plus il faut savoir qu'il y a un manque de baraka dans ces choses-là. C'est à cause de le baraka, c'est la bénédiction. C'est pour ça qu'il faut implorer Allah Azza wa Jal de mettre le baraka fi awladina, wa fi buyutina, wa fi amwalina, que ce soit dans nos enfants, dans nos demeures, dans nos biens, dans nos épouses, dans notre da'wah, fi ilmina, dans notre science, dans notre da'wah, demande toujours à Allah de mettre al-baraka, la bénédiction, dans tous ces bienfaits qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, pour pouvoir en profiter de ces bienfaits de la meilleure des façons, bi-idhnillah Azza wa Jal, et pour éviter que ces bienfaits s'épuisent rapidement. Pour éviter que ces bienfaits s'épuisent rapidement, ou que tu ne puisses pas en profiter comme il se doit. Walakin, quelqu'un va nous dire, d'accord, je dois invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il y ait le baraka. Mais quelle est la cause que le baraka diminue dans mes enfants, dans ma femme, dans ma demeure, dans mon argent, dans mes habits, dans ma nourriture? C'est quoi la cause? Et c'est quoi la cause qui va faire qu'Allah va rajouter le baraka de la bénédiction dans ma femme, dans mes enfants, dans mon éducation, dans ma science, dans ma da'wah, dans... C'est quoi la cause? C'est quoi? La cause, ayyuhal ahibba, qui fait que le baraka, elle descend et elle diminue plutôt dans nos biens, dans nos enfants et autres. C'est quoi? C'est la cause. Ça, c'est trop précis. C'est quoi la cause? Là, vous me donnez des cas précis. On va dire que c'est des choses qui font partie de ce que je vais citer de façon générale. L'éloignement de la religion. الابتعاد من دين الله عز وجل الذنوب والمعاصي الدليل على ذلك قال جل وعلا في كتابه العزيز qu'est-ce qu'il a dit Allah عز وجل qui va trouver le verset coranique لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض Allah عز وجل il a dit écoutez bien ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit avec une traduction approximative si les habitants des cités d'accord, avaient cru et avaient été pieux. D'accord, ils avaient craint Allah Azza wa Jalla. À ce moment-là, simplement, al-iman wa taqwa. Donc, plus tu auras al-iman et plus tu auras taqwa, taqwa Allah Azza wa Jalla, et plus il y aura le baraka et Allah te rajoutera de ses bénédictions. Et moins tu auras al-iman de la foi. Et moins tu craindras Allah, c'est-à-dire de façon générale, plus tu vas t'éloigner de la religion d'Allah Azza wa Jal, et moins il y aura le baraka dans tout ce que tu possèdes, et moins Allah Azza wa Jal te rajoutera d'autres bénédictions. La preuve de cela, Allah il dit, si les habitants des cités avaient cru, avaient eu la foi, avaient été pieux, ou avaient eu la foi, c'est plus, plus clair. Donc, amanu wa taqaw, d'accord, avaient cru, et avec craint Allah Azza wa Jal, à ce moment-là, la fatahna alayhim barakatim min as-sama'i wal-ard. Allah Azza wa Jal dit, à ce moment-là, nous leur aurions certainement accordé les bénédictions du ciel et de la terre. Pourquoi il dit du ciel et de la terre? Ah, s'ils avaient cru, al-iman, wa bisababi taqwa, qala jalla wa ala, la fatahna alayhim barakatim min as-sama'i wal-ard. Pourquoi il dit nous leur aurions accordé les bénédictions des cieux et de la terre? Pourquoi des cieux et de la terre? وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ Allah Azza wa Jalla l'a dit. Et dans les cieux, et votre risque, et votre subsistance. مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ Allah Azza wa Jalla il parle de quoi? La pluie. Et on sait très bien que sans eau, sans pluie, comment pourrait vivre l'être humain? On pourrait pas vivre. C'est pour ça un des plus grands bienfaits que l'être humain a et dont il est négligé énormément, c'est الماء, c'est l'eau. Nous, on s'en rend pas compte de ce bienfait. Mais comme je dis souvent, tu te rendras compte d'un bienfait que lorsque tu le perdras. Va voir ceux qui ont vu les informations au jour d'aujourd'hui, dans un pays, je sais plus c'était où. Problème d'eau. Personne regarde les infos. Oh. C'est un pays. C'était, je sais plus. Peut-être Nigeria ou, moi, il y a un pays d'Afrique, ils ont montré au jour d'aujourd'hui, ils avaient vraiment un gros problème d'eau. Ils avaient un manque énorme d'eau potable. Et certains, ici, savants, je parle des sciences profanes, d'après des études, ils disent que la plus grande, ou la chose qui vaudra le plus cher dans quelques années ou dans quelques siècles, ça sera quoi? Ça sera l'eau. Sans eau, c'est une catastrophe. L'être humain, il peut pas survivre sans l'eau. C'est une des causes par laquelle Allah Azza wa Jalla, il permet à l'être humain de vivre. C'est pour ça que certains savants, quand ils disent, quand Allah, il dit, et dans les cieux et votre subsistance, il parle de l'eau. Et d'autres savants, ils disent, Allah, il dit dans les cieux et votre subsistance, c'est-à-dire, auprès d'Allah, pour te rappeler que tout ce qui est sur la surface de la terre, ici, ne sont que des causes, et les causes ne profitent en rien et n'apportent rien, sans la permission de celui qui met les faits dans les causes, qui est au-dessus des sept cieux établis au-dessus de son trône, Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'Allah dit, wa fis sama, pour te rappeler, tout ce que tu as ici-bas, c'est par la cause de quoi? Ou c'est par la permission plutôt de qui? Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah dit, c'est dans les cieux qu'est votre subsistance. C'est-à-dire qu'Allah, qui est dans les cieux, t'apporte ta subsistance. Il te donne des causes pour te nourrir, pour t'abreuver, pour pouvoir vivre. Clair? Wa fis sama rizqukum. Ici, al-ulama, ils disent, quand Allah Azza wa Jal dit, la fatahna alayhim barakatim min as-sama'i wal-ard. On leur aurait certes accordé les bénédictions des cieux et de la terre, car ici, il y a beaucoup de bienfaits qui sont apportés par Allah Azza wa Jal dans les cieux et dans la terre. D'accord? Mais ici, il faut al-baraka. Il faut la bénédiction dans ces choses-là. Par exemple, dans les cieux, parmi les bienfaits, parmi les bénédictions qu'Allah Azza wa Jal nous donne, il y a l'eau. Dans la terre, tout ce qu'on trouve dans la terre, comme légumes, comme fruits, comme nourriture, comme eau, etc., etc. Donc, à ce moment-là, quand on aura eu al-iman et on aura eu taqwa Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera al-baraka des cieux et de la terre. Ad-dalilu ala dhalik, qala ta'ala fi kitabihi al-aziz, wa man yattaqillah. À ce moment-là, regardez, la bonne compréhension de la religion, un verset suit l'autre. Un verset explique l'autre. un autre verset dans certains cas, ici, va préciser plus les choses dans les détails. D'accord? Il va approfondir le sujet dans les détails. Allah Azza wa Jalla dit quoi dans le Coran? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ Il parle de celui-là, pas de n'importe qui. Celui qui craint pieusement Allah Azza wa Jalla. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ À ce moment-là, Allah va lui donner des issues favorables et en plus de ça, il va lui donner sa subsistance. D'où il ne s'attend même pas. بِسَبَبِ أَشْ تَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ Par la cause de quoi? La crainte pieuse. C'est pour ça celui qui veut الْبَرَكَ La bénédiction dans ses biens, dans son épouse, dans ses enfants, dans son éducation, dans son savoir, dans sa science, dans toutes choses. Et si quelqu'un veut qu'Allah lui rajoute ici d'autres bénédictions, c'est-à-dire d'autres bienfaits, il se doit de concrétiser Al-Iman et Taqwa Allah Azza wa Jal. Al-Iman. Al-Iman c'est quoi? Ça y est, on a compris. Khlas. Al-Baraka quand elle descend, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Allah Azza wa Jal n'est pas injuste. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas inéquitable, wal-ayyadu billah. Haja lillah. Allah il est équitable. Allah il est juste. Si Allah Azza wa Jal rajoute à une personne de la bénédiction dans ses biens, ou alors lui rajoute d'autres bénédictions, c'est qu'il a mérité. Et il a provoqué cela. Et Allah lui a donné parce qu'il méritait. Et celui qui voit la bénédiction al-baraka descendre dans ses biens, c'est qu'il a mérité. Et c'est qu'il a provoqué cela. Donc tu veux que le baraka se rajoute et qu'Allah te rajoute d'autres bénédictions, concrétise al-iman et concrétise taqwa Allah azza wa jal. Al-iman, on a dit plusieurs fois, yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bil ma'asi. Plus ta foi va augmenter, donc c'est-à-dire, plus tu vas travailler ta foi, donc c'est-à-dire, plus tu vas faire des bonnes actions. Plus tu vas t'éloigner des mauvaises actions, plus ta foi va augmenter, plus on dira de toi, tu es une personne qui est sur le chemin, d'accord, de al-baraka, de la bénédiction d'Allah azza wa jal. Donc ici, la foi, elle augmente par les actes d'obéissance. Et elle diminue par les actes de désobéissance. Mais c'est quoi exactement l'iman? Qawlun bi billisan. C'est une parole de la langue. On va expliquer. Et on l'a expliqué plusieurs fois. Mais le rappel profite à qui? Pas aux ignorants. Pas aux orgueilleux. Pas aux paresseux. Aux croyants. Comme Allah l'a dit dans le Coran al-Karim. Et rappel, car le rappel profite à qui? Aux croyants. Si Allah il dit, et rappel. Car le rappel profite aux croyants, c'est qu'on a besoin de rappel, c'est-à-dire de répéter les choses. D'accord? Donc ici, Allah Azza wa Jalla nous ordonne de rappeler car le rappel profite aux croyants. Al-Iman, la foi. Qawlun bil lisan, c'est une parole de la langue. C'est pas que dans le cœur. Ad-dalilu ala dhalik, on va le voir. C'est une parole de la langue. Une croyance avec le cœur. Tu reconnais. Reconnaissance dans le cœur. D'accord? Tu n'es pas un hypocrite, wal-iyadu billah, qui montre des choses de façon apparente, mais ce qu'il y a dans ton cœur contredit ce que tu montres de façon apparente. Ou tu n'es pas une personne qui agit avec ostentation pour se montrer devant les gens. Tu essaies de ruser avec Allah Azza wa Jal alors qu'Allah dit dans le Coran al-Karim Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah sait ce qu'il y a dans vos cœurs. Ça sert à rien. Tu vas mourir, ya Abdallah. À quoi sert ici de vouloir plaire aux gens alors que la personne devant qui tu veux plaire, elle va mourir comme toi. Et elle va rendre des comptes comme toi. Et elle va rien t'apporter, ya Abdallah. Donc ici nous disons, on est là pour plaire à Allah Azza wa Jal. C'est une parole de la langue. Ça c'est la foi. C'est une reconnaissance du cœur. Et tu concrétises cette parole de la langue et cette reconnaissance du cœur à travers les actions. À travers les actions. Donc ne dis pas, Al-Imanu fil qalb, waf'al ma shi'ti ya Abdallah, anta fil jannah bi'idnillah azza wa jal. Comme ils disent certains, wal'iyadu billah, certains ignorants. La foi, elle est dans le cœur. Fais ce que tu veux et toi, tu feras partie des habitants du paradis, incha'Allah ta'ala. Car tu es musulman, tu as dit, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, celui qui dit, la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Khlas. Masha'Allah. Et il a délaissé tous les autres textes. Tous les autres versets coraniques. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا Regardez la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ Ah, il a oublié tous ces versets coraniques. Parmi ces versets coraniques, Allah Azza wa Jalla parle du fornicateur, comme on a parlé tout à l'heure, qui va rencontrer un péché, et que son châtiment sera doublé. Donc, subhanallah, ça reste un musulman, mais avec cela, il a forniqué, il ne s'est pas repenti. Donc, son châtiment est doublé au jour de la résurrection, et quoi encore? Il sera éternellement couvert d'ignominie. Mais Allah, il dit, sauf qui? Écoute bien, Ahlul Iman, les gens de la foi, c'est qui? Illa man tab, sauf celui qui se repent. Wa amana, ah, écoute bien, et qui a cru. Et ensuite, il montre c'est quoi la croyance aussi. Et qu'est-ce qui fait partie de la croyance de l'Iman? Wa amana وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. C'est la condition. Et qu'il accomplit des œuvres salutaires. Celui-là, regarde la miséricorde d'Allah, ses mauvaises actions sont changées en bonnes actions par la permission d'Allah Azza wa Jal. وَصَدَقَ الْحَبِيبِ إِذْ يَقُولُ. Et certes, a dit vrai le prophète عليه الصلاة والسلام quand il dit, كَمَا جَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمِ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ فِي كِتَابِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَدَبِي. Et certes, le prophète a dit vrai quand il dit Allah est écrit dans un livre qui est auprès de lui, au-dessus du trône, ma miséricorde a devancé ou a dépassé ou a vaincu ma colère. Dans une version a dépassé, dans une version a vaincu ma colère. Hadith rapporté par Muslim. Donc ici, les conditions. Al-Iman. Et ici, wa amila amalan, amalan saliha. Les actions salutaires. Ici, on a déjà dit ça, yuwal ahibba. Allah Azza wa Jal, quelquefois, il va séparer entre deux actions. Bien qu'une action fait partie de l'autre, mais quand il le fait, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour montrer l'importance de l'action qui fait partie de la première action. D'accord? Ça, c'est une règle. Par exemple, je vous donne souvent cet exemple-là. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa kulluna na'rifu anna al-isti'ana min al-ibadah. D'accord? On sait tous que l'isti'ana, chercher secours auprès d'Allah, c'est un acte d'adoration ou quoi? C'est un acte d'adoration. Mais pourquoi Allah Azza wa Jalla l'a séparé? Pour montrer l'importance et mettre l'accent sur le fait de chercher secours que auprès d'Allah. Bien que certains savants, ils ont dit, Allah aurait pu se contenter de dire, Iyyaka na'budu. C'est toi que nous adorons. C'est-à-dire, c'est toi que nous adorons, on prie pour toi, on cherche secours auprès de toi, car chercher secours auprès d'Allah fait partie de l'adoration. Mais quand il a séparé pour montrer l'importance du fait de chercher secours auprès d'Allah. Et c'est comme ça dans le Coran al-Karim. De façon générale, et c'est une règle en islam. Pareil, regardez bien dans le Coran al-Karim à chaque fois, ou la plupart du temps, vous allez voir, al-Iman, Allah il va parler de Ahlul Iman, les gens de la foi, il va parler de l'action. Ah, ceux qui accomplissent des œuvres salutaires. Pourtant on a dit, la foi, ce qui fait partie de la foi, c'est le fait de quoi? De faire des actions. Mais pourquoi Allah Azza wa Jalla parle de l'iman et après il parle d'une chose qui fait partie de l'iman pour mettre l'accent sur les actions. Pour montrer l'importance des actions. D'accord? Pour montrer l'importance des actions. C'est pour ça qu'on a toujours dans le Coran al-Karim souvent, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihan. Par le temps, l'être humain court à sa perte, sauf ceux qui croient et qui a encore accompli les œuvres salutaires. D'accord? Et souvent vous allez voir dans le Coran, al-Iman, dans le même verset coranique, on parle de l'action salutaire, pour montrer l'importance de l'action. Bien plus que cela. Allah Azza wa Jal qaddama al-amal ala al-iman. Il a devancé l'action sur l'iman dans un verset coranique pour montrer l'importance de l'action. Pourtant souvent dans le Coran c'est illa alladhina amanu wa amilu salihat. Ah, les gens de la foi. Et regardez, et après il explique une chose, écoutez bien, suivez bien, qui fait partie de quoi? De l'iman. D'abord, c'est la logique. On parle d'abord de la chose générale et ensuite on parle d'une chose qui fait partie de cette chose générale. C'est logique ou pas? Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons, wa iyyaka nasta'in, ça fait partie de l'ibada. On est d'accord. Mais Allah Azza wa Jalla montre l'importance de l'action, et ça c'est une réponse claire, d'accord, à certaines sectes qui disent ici le fait de faire des mauvaises actions, ça ne nuit en rien à ta foi. Et ils ont séparé l'action de la foi, al-iman wal iyadu billah. Écoute bien, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, wa man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min wa bada'a jalla jalaluhu bil 'amal fi hadhihi al ayah wa man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. On va lui faire vivre une vie, hein, une bonne vie. Mais Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Toute personne, wa man 'amila salihan, qui accomplit une œuvre salutaire, une bonne action, d'accord, mâle ou femelle, tout en étant mu'min, al-iman, ahlul iman, en étant croyant. Il a fait devancer l'action sur la croyance. Les savants, ils ont dit, ça c'est pour montrer l'importance de l'action. L'importance de l'action. Et ça c'est une réponse à ceux qui disent, fais ce que tu veux, al-iman ou fil qalb. Et ça, ayyuha al-ahibba, c'est un gros bagage par la permission d'Allah Azza wa Jalla que je vous donne. Pour répondre, et pour répondre avec preuve, avec dalil, à ceux qui jouent avec la religion. Continuez avec moi. رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila a'malikum walakin yanzur ila qulubikum. Wasil ma'i wa ila a'malikum. بعض الإخوة قد تركوا يعني نهاية الحديث. Certains frères, ils ont délaissé, ils ont abandonné la fin du hadith. Ils disent, le prophète alayhi salam, il a dit, Allah regarde pas, écoutez le hadith rapporté par Muslim, Allah regarde pas, il ne regarde pas, il regarde pas votre apparence. Ah mon frère, alors, pourquoi tu mets là-bas? Regarde le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah regarde pas votre apparence. Pourquoi tu veux tu insistes sur cette sunnah? Ce n'est qu'une sunnah. Et d'autres ont dit, la sunnah, c'est-à-dire, يعني pour le fuqaha quand ils disent que la sunna ce n'est pas obligatoire, bien que ici ça, bon, je rentre pas dans les détails, il y a des sunnahs qui sont obligatoires, mais si on prend l'explication, la définition que la sunna dans le sens que la sunna n'est pas obligatoire, ils disent c'est des épluchures dans la religion, wal'iyadu billah, des épluchures dans la religion. Et ils disent, regarde, le prophète alayhi salam a dit, Allah ne regarde pas vos apparences, d'accord, et il ne regarde pas vos biens, ce que tu possèdes, si tu es riche ou pas, walakin Allah il regarde vos cœurs, et il s'arrête là. Après, elle dit, ah, ben, mashallah, c'est le cœur, le principal. Et beaucoup, ils disent ça, le principal, c'est le cœur. Attention. Je vous dis que le cœur, c'est le plus important. Ça, c'est le plus important. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. C'est le plus important. Voilà qu'il faut avoir ce qu'on appelle une bonne compréhension. مَنْ يُرِيدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. يعني, الفقه في الدين الفهم الصحيح, c'est la bonne compréhension. Ici Allah il dit dans le Coran, le jour où ni les biens ni les enfants ne profiteront rien sauf celui qui rencontre Allah Azza wa Jalla avec un cœur sain. Le cœur, j'en parle souvent car c'est le plus important. Voilà qu'il, si tu as un cœur sain, si tu as un cœur sain, on a dit le cœur c'est wal malik, et si le cœur est sain, il va donner des ordres convenables, sains, propres au à l'armée, et l'armée, les soldats sur son qui? Les membres. Donc ça va se concrétiser avec les actions. Donc celui qui dit j'ai un cœur sain, mais il désobéit à Allah, nous disons, tu es un menteur. C'est pour ça que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu arda, il dit comme il a rapporté dans Sahih al-Bukhari, avec une traduction approximative, ici à l'époque du prophète alayhi salam, il y avait le wahy, la révélation. Donc les gens, il y avait des gens, ils pouvaient être jugés par rapport à leur intention. Parce que le prophète alayhi salam ne parlait pas poussé par sa passion. Mais il avait des révélations. Allah lui disait, celui-là c'est un hypocrite, celui-là c'est un menteur, celui-là il veut faire ça. Donc il pouvait se permettre, le prophète alayhi salam. Et eux, ils jugeaient des gens, d'accord, d'après les dires du prophète qui lui ne parlait pas poussé par sa passion. Mais il dit à notre époque, il n'y a plus de révélation. Donc khlas, maintenant on va regarder les actions des gens. Si quelqu'un nous dit j'ai une bonne intention, mais ses actions sont mauvaises, peu importe son intention ou ce qu'il nous dit. Il a dit oui, j'ai de bonne intention, je suis pur, mon cœur est blanc. Subhanallah, tu mens, tu voles, tu triches, mon cœur est blanc. T'inquiète, Omar ils ne prenaient pas en compte. Et celui qui nous disait, moi je crois que mon intention, ou celui qui dit mon intention n'est pas bonne, je pense, ou autre, mais ses actions sont bonnes, nous prenons en considération ses actions. Amma l'intention, c'est entre lui et Allah Azza wa Jalla. Regardez les ulama, regardez les savants. Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu wa arda. Donc ici, ce qui nous importe et ce qui est très important, c'est le cœur, mais aussi les actions, et ce qui se dit avec la langue. La preuve de cela, continue le hadith. Dis à cette personne, continue le hadith. Le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit, Allah ne regarde pas vos apparences, et il ne regarde pas aussi quoi? Vos biens. Mais il regarde vos cœurs, et il regarde vos actions. Alors, le prophète, il a dit, et vos actions. Là-bas, est-ce que c'est une action? C'est une action. Donc, mélange pas tout. D'accord? Là, nous disons, celui qui va juger une personne parce qu'il est noir, ou parce qu'il n'est pas noir, ou parce qu'il est bronzé, ou parce qu'il est blanc, est-ce que ici on peut mettre ce hadith-là, ou adapter ce hadith-là dans ce contexte pour lui? Oui ou non? Là oui. On dit, le prophète il a dit, Allah ne regarde pas vos apparences, et il ne regarde pas vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Là oui. Mais quelqu'un, regardez, c'est ça le hikmah. Qu'est-ce qu'on a dit? وَضْعُ الشَّيْءِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَنْبَغِي وَفِي الْوَقْتِ الَّذِي يَنْبَغِي. وَضْعُ الشَّيْءِ قُلْ إِنْ شِئْتَ. D'accord? فِي مَوْضِعِهِ. C'est mettre chaque chose dans sa place aussi, si tu veux, tu dis. Ça, c'est hikmah. Donc, ça veut dire qu'un hadith, tu vas pas le mettre n'importe où. Ça, c'est ceux qui ont un manque de science. Il va mettre ce hadith-là pour une personne qui porte savoir. Non! Celui-là, t'as pas le droit d'appliquer parce que c'est une action. Le prophète, il a dit, Allah, regarde vos actions. Et c'est une action qui a été ordonnée par le prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord? Mais ici, la personne qui juge une personne d'après sa couleur, il n'a pas le droit, car Allah, azza wa jal, il dit, dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Ya ayyuhan nas, إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله عز وجل il a rappelé, d'accord, il a rappelé que les plus nobles d'entre vous ce sont qui? Ce sont les plus pieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des peuples et des tribus, il nous a créé ici, on a fait de vous des tribus et des peuples, pourquoi? Pour que vous vous entreconnaissiez. Il dit, il nous rappelle, attention racisme. Et les plus pieux d'entre vous, les plus nobles d'entre vous, ce sont qui? Les plus nobles d'entre vous, ce sont les plus pieux. C'est pas les noirs, ou les blancs, ou les bronzés, ou les marocains, ou les algériens, ou les tunisiens, ou les saoudiens. Non. Inna akramakum indallahi atqakum. Donc ça c'est l'iman. Yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bil ma'asi. Donc ça c'est la foi. Il augmente par les actes d'adoration et il diminue par les actes de désobéissance. Plus tu vas faire augmenter ton iman et plus tu vas provoquer cette baraka de la part d'Allah Azza wa Jal. Et plus tu vas craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et on a dit la crainte d'Allah Azza wa Jal, c'est de mettre entre toi et la colère d'Allah Azza wa Jal, wiqaya. Wa tilka al-wiqaya fi'lu at-ta'at wa tarku al-ma'asi. Ah, ça se rejoint. C'est-à-dire de mettre entre toi et la colère d'Allah un écran. Et l'écran, c'est quoi? L'accomplissement des actions agréées, aimées par Allah Azza wa Jal. Les actes d'obéissance, tu obéis à Allah et tu t'écartes des actes de désobéissance. Ça, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal. Sans regarder qu'est-ce qu'on veut dire les gens, ou ce qu'on veut dire foulain, ou ce que... Non, toi, tu cherches à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu auras concrétisé l'iman, la foi, et travaillé ta foi, et invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il te rajoute de la foi, et tu auras fait les causes pour faire augmenter ta foi, c'est-à-dire tu auras fait ad-du'a, tu auras fait travailler ta foi, c'est-à-dire en participant à des cercles d'évocation et d'invocation, tu auras lu le Coran al-Karim, car lire le Coran ça augmente ta foi, tu auras fréquenté des gens pieux et vertueux, tu seras resté dans une bonne ambiance religieuse chez toi ou en dehors de chez toi, plus tu auras fait ces efforts et plus tu te seras écarté des actes de désobéissance, et plus tu verras le baraka accroître chez toi, et accroître dans ton argent, accroître dans ton éducation, envers ton épouse, envers ton enfant, l'épouse envers son mari, chez toi, dans ta demeure, dans ta nourriture, dans tes biens, dans ta science, dans ta da'wa, dans ta prédication, il y aura de plus en plus de baraka. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils prêchent, tellement qu'ils sont sincères auprès d'Allah Azza wa Jal, tellement qu'ils prêchent à la basir avec clairvoyance, wa ala ilm, al-shar'i, avec une science religieuse, et tellement que quand ils prêchent, ils appliquent ce qu'ils disent et ils s'éloignent au maximum des actes de désobéissance. Et ils travaillent tellement leur foi qu'il y a une baraka impressionnante. C'est-à-dire, ils ont un impact impressionnant. C'est-à-dire que quand ils prêchent, il y a des gens, wallah, et tu vas parler avec une personne peut-être pendant des heures, des jours, des années, rien, aucun effet. Et peut-être tu vas avoir une personne qui va arriver, il va lui parler 5 minutes. Par la permission d'Allah Azza wa Jal, il va toubir Allah Azza wa Jal, il va faire ses ablutions, il va commencer la prière. El baraka. La bénédiction dans sa da'wah. Il y a des gens comme ça. Wallah, ce n'est même pas un grand imam, ce n'est pas un grand prédicateur, mais il y a le baraka dans sa da'wah. Quand ils parlent khlas, il y a des gens, ils ont le baraka dans quoi? Dans leur du'a. Ils lèvent leurs mains, et disent, Allahumma ya Rab. L'invocation, elle est acceptée. Il y a le baraka dans sa da'wah. Pourquoi? Il est sincère. Il est sincère. Ah, il mange du halal. Il boit du halal. Il s'habille du halal. Il s'est éloigné des actes de désobéissance. Il a fait travailler sa foi. Wallah, il lève ses mains, son invocation, elle est acceptée tout de suite. Et on sait très bien que ce qui coupe nos invocations et le voile qu'il y a entre nous et Allah Azza wa Jal, c'est quoi? C'est les actes de désobéissance, comme le prophète alayhi salatu wa sallam l'a rappelé. C'est pour ça que Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu arda, il disait, on se préoccupe plus, et eux, les salafs, ils se préoccupaient plus dans comment faire dua comme il se doit et comment réunir les conditions pour que dua soit accepté que dans le fait de quoi? De voir l'invocation, ce qu'on a demandé ici, être accepté et être exécuté par Allah Azza wa Jal. Ils n'attendaient pas le résultat. Ils se concentraient dans comment Allah il va accepter mon invocation. Comment je dois invoquer Allah Azza wa Jal? Est-ce que j'ai fait des péchés? Est-ce que... Et quand le dua n'était pas accepté, ils accusaient qui? Ils accusaient, Ya Rab, pourquoi tu ne me donnes pas Abadan? Ils disaient, ça c'est à cause de moi. J'ai dû faire trop de péchés. Peut-être je mange du haram. Mais tout le temps ils s'accusaient eux-mêmes. Ça c'était Umar, ça c'était Sahaba, ça c'était Salaf. Radiyallahu anhum wa ardahum. Donc c'est pour ça que tu vois des gens, il y a le baraka dans leur dua. Ils lèvent ses mains de dua acceptée. D'autres, il y a le baraka dans leur da'wah. Ils parlent à une personne, bi'idnillah azza wa jalla, la personne embrasse l'islam tout de suite. Il parle à, ici, il y a le baraka dans son argent. Il a peu d'argent, walakin alhamdulillah. Il va faire plein de choses. Il va au hajj, il va au umrah, il fait plein de choses. Alhamdulillah. Il y a le baraka dans son argent. Dans sa nourriture, il y a le baraka. Dans sa maison, il y a le baraka. Il se sent bien dans la maison. Dans ses enfants, il y a le baraka. Il a une bénédiction dans ses enfants, mashallah. Ses enfants, ils ont un adab, mashallah, une politesse, des règles de bienséance. Ils sont éduqués, ils retiennent bien la science. Il y a le baraka. Donc si tu veux cette baraka-là, elle a un prix. Nous, on aime bien voir le résultat. On aime bien, ici, voir qu'il y ait le baraka dans notre vie, dans notre argent. On aimerait bien être au paradis. On aimerait bien voir le prophète, alayhi salatu wassalam, en rêve. Car le prophète, il a dit, celui qui me voit en rêve, il m'a vraiment vu. On aimerait bien ici avoir de bonnes choses dans notre vie. On aime bien le résultat. Mais pour travailler, ah, là on a du mal à le faire. Et Allah Azza wa Jalla, il dit, لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ. Ça veut dire quoi ça? On a créé l'être humain pour une vie de lutte. Allah Azza wa Jalla dit, فِي كَبَدْ, dans une vie de lutte. Allah il l'a dit dans le Coran. Allah il t'a créé, tu dois lutter. De jour comme de nuit. Et on appelle ça al-jihad. Wa akbar. Akbar al-jihad, c'est quoi? Jihad al-nafs, comme a dit ذلك ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم. Le plus grand des combats, c'est quoi? Le jihad contre toi-même. Et il y a plusieurs types de jihad. Ici, mais le plus grand des jihad, c'est le jihad contre toi-même. Car si tu n'as pas fait un combat contre toi-même, tu ne pourras rien faire d'autre, ya Abdallah. Et ici, le principal, c'est contre toi. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit, qu'un fou, c'est comme, ahlikum nara. Préservez, ah, il a commencé par toi. Préservez vos personnes et vos familles du feu. Si toi, tu veux être la cause que les gens avancent dans la religion, soient guidés, que ton épouse, que tes enfants, que tes frères, que tes sœurs, que tes parents, ici, avancent dans la religion, il faut que tu utilises un bon outil dans ta loi. Et cet outil, c'est toi. Donc, ici, tu dois réformer et avoir un bon outil et corriger ce bon outil qui est quoi? Ta propre personne. Tu dois t'éduquer avant d'éduquer les gens. Allah, il nous a créé dans une vie de lutte, et à ce moment-là, bi'idnillah azza wa jal, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, intabih wa akhtimu bidhalik bi'idnillah azza wa jal, qala alayhi salatu wa salam, inna al-nasra ma'al sabr, wa inna al-faraja ma'al karb, wa inna ma'al usri yusra, ta'ammal, lam yakul jalla wa ala, inna ma'al usri, ou inna ma ba'da al-usri yusra. Allah, il dit pas ça, il dit pas. Après la difficulté vient la facilité. Walakin Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit? Inna ma'al usri yusra. Est-ce qu'Allah il dit inna ba'da al-usri yusra ou il dit inna ma'al usri yusra? Est-ce qu'il dit après inna ba'da al-usri yusra, après la difficulté la facilité ou avec la difficulté la facilité? Avec. Et il le répète deux fois pour nous rappeler que quoi? Auprès ou avec chaque difficulté il y a une facilité. Sois sûr. Et quand tu n'en peux plus, inna al-faraja ma'al karb. Wa inna ma'al usri yusra wa inna al-nasra ma'al sabr. Quand tu ne peux plus et que tu as patienté énormément, sache à 100% qu'Allah Azza wa Jal, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu verras tes soucis se délivrer bi'idnillah Azza wa Jal. Walakin, il faut encore lutter et patienter, et à ce moment-là, bi'idnillah Azza wa Jal, tu goûteras as-sa'ada, à al-baraka, la bénédiction dans tes biens, dans ta science, dans ta famille, et incha'Allah ta'ala, dans ici tes habitations, dans tes enfants, dans ton habitation, etc. Et là, à ce moment-là, bi'idnillah Azza wa Jal, tu pourras savourer la vie d'ici-bas et l'au-delà comme il se doit, et tu seras récompensé comme il se doit de la part d'Allah Azza wa Jal. Na'am, entendre que les compagnons sont au paradis, qu'un tel a été voué au paradis, etc., ça nous fait rêver, et ça fait monter la foi. C'est pour ça que je vous recommande de lire ici les histoires des compagnons, et particulièrement la fin de leur vie, et ce qu'Allah Azza wa Jal a réservé pour les pieux et les vertueux au paradis. Ça, ça fait monter énormément l'iman, et ça te motive d'avoir ce résultat et d'avoir ce cadeau. Parce que quand tu sais la grandeur de ce qui t'attend, tu veux travailler, ça te motive plus pour travailler, pour avoir cette chose-là. Mais quand tu donnes pas d'importance à ce qui t'attend, ici, ça ne te motive pas à travailler. Juste tout à l'heure, je regardais une petite vidéo sur Internet et je finis avec cela. Ici, c'est la preuve que quelquefois, on va avoir des petites choses. De 1 minute 30 secondes, ça fait monter l'iman. Des frères qui étaient au Koweït, je pense que c'était au Koweït, ils sont partis, ici, un frère est parti avec son ami à lui visiter la tombe de sa femme. Et elle, c'était une da'iya, c'était une prédicatrice. Et ici, Narsabu Hakada, avec tous les gens parlaient en bien d'elle. Ils disaient que c'était une femme vertueuse, une femme prédicatrice, masha'Allah, avec un énorme comportement, un bon comportement, un excellent comportement, masha'Allah. Elle était réputée pour avoir un bon comportement. Et le vendredi, c'était le vendredi, ils ont fait la vidéo le même vendredi là, ici, alors qu'il y avait sa tombe. Et sur sa tombe, quelquefois, ils mettent ici pour bien aplatir la tombe, et pour pas qu'on la reconnaisse plus. Quelquefois, ils mettent des petits gravillons juste au-dessus de la tombe, il n'y a pas de mal. D'accord? Pour aplatir bien la terre, etc. Et ils ont dit, son mari, quand il est parti visiter la tombe, ils ont été choqués. Pourquoi? il sentait une odeur de fleurs, mais vraiment intense. Et quand il se rapprochait de la tombe, ça sentait de plus en plus fort, ça sentait une odeur de fleurs et de musc. Et il prenait comme ça les pierres, comme ça devant la caméra, il prenait les pierres, il sentait, il disait Wallahi, toutes les pierres, et il disait pourtant, pour qu'une bonne odeur s'incruste et reste sur des pierres qui sont à l'air libre, il faut y aller. Toutes les pierres et toute la terre en dessous, quand il la prenait, il disait Wallahi, ça sent une odeur de musc. Et le mari, il témoignait, et le frère, il témoignait. Il disait Wallahi, on est vendredi, on est devant la tombe et on sent le musc, toute sa tombe, on sent le musc. Quand tu entends ça, ça te motive. Et tu te dis, Wallahi, j'aimerais bien que ma tombe, elle sent le mus. J'aimerais bien être au paradis. J'aimerais. C'est pour ça, il faut savoir, ayyuhal ahibba, que ce qui nous attend, c'est énorme. Et rien à voir par rapport à cette vie d'ici-bas. Mais si on veut le paradis, il faut ici lutter. Comme Allah a dit, on a créé l'être humain dans une vie de lutte. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.